couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur Locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 et sur Fadjet.net pour votre demi-heure avec les artistes de la région. Et j'ai même envie de dire parfois d'un peu plus loin. Bonjour, Pierre au micro, comme toujours, les samedis 13h, les dimanches à midi pour vous régaler. Bon appétit. Peut-être que vous prenez l'apéro, peut-être que vous mangez. Votre estomac est contenté, vous aimez ce que vous ingérez. Mais nous, on va nourrir autre chose. On va nourrir votre cœur, on va nourrir votre âme, on va nourrir votre esprit, votre imaginaire, avec une invitée qui a du coffre dans la voix et dans les textes, un univers bien à elle. Nous sommes avec Romy. Bonjour à tous. Et voilà, donc là on a déjà le terreau est posé. C'est ça. Pour l'émission, on a une belle voix et c'est super. Comment tu vas ? Très bien, très très bien. Chanteuse, compositrice, guitariste, interprète, tout ce qu'il faut pour sortir un premier projet en 2022. Layers of Me. Oui. Ouais. On en parlait hors antenne, j'ai fait un effort sur la prononciation. Voilà. Très bien. Merci. Donc disponible sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Music, nommez-les, elles sont là. Oui. Layers of Me. Layers, c'est la, les couches, non? C'est ça, exactement. Ça. Les couches, ouais. Les couches. Alors, pas les couches... Non, alors, non, on précise, les couches de la vie, quoi. Les couches de la vie et les couches de toi, ouais. Du coup. Alors, j'ai la fâcheuse tendance à traduire tous les titres anglais en français. Donc, tu auras le droit de m'insulter plus tard lorsqu'on annoncera durant toute cette émission... Non, ne m'insulte pas, s'il te plaît. Les trois morceaux... que l'on écoutera, qui sont issus de cette EP. Comment cette aventure, elle a commencé pour toi, Romy ? Alors, ça a commencé, on va dire, il y a un an, plus d'un an maintenant, je pense. C'est un peu cliché, mais ça m'est un peu tombé dessus. Ouais. En fait, c'est mon papa qui partage très régulièrement, toujours, et qui a toujours partagé ce que je fais. Et j'avais commencé en fait à poster des covers sur YouTube, comme beaucoup le font. Et en fait, c'est, voilà, lui, il partage beaucoup sur son Facebook, etc. Et très rapidement, il y a eu quelqu'un avec qui il correspondait, voilà, qui s'appelle Xavier ou Stan Matisse, qui s'occupe d'une maison de production qui s'appelle Stardust. D'accord. Et ils ont directement en fait contacté mon père à travers les réseaux pour savoir ce que je faisais et tout ça. Et en fait, c'est une maison de production qui s'occupe principalement de jeunes artistes comme moi et qui nous aide à démarrer grâce à un financement participatif. Okay. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait on fait participer les gens de l'extérieur à un projet qui n'est pas encore né, mais c'est justement pour aider. Un saut dans le vide. C'est ça. Ouais. Et donc ça a démarré comme ça. Et déjà un EP. Ouais, c'est ça. Tu as quel âge sans indiscrétion ? J'ai 22 ans. 22 ans. Ouais. Tu sais ce que je faisais à 22 ans ? Non, aucune idée. Bah rien. Pourquoi ? Ça n'a pas de sens. Layers of Me. On aura l'occasion d'écouter trois morceaux. Et d'ailleurs, comme tu le sais, parfois la musique vaut mieux que 10 000 mots. Et toi, tu fais les deux en même temps. Alors, on va faire un petit jeu très rapidement pour voir si tu es capable de me résumer de façon percutante, courte, de quoi parle cet album et ton univers. Est-ce que tu t'en sens capable ? Ouais. Je suis pas très douée quand même pour faire des trucs concis. Ouais, c'est pas grave, même si c'est long, mais c'est juste pour... On fait le show, quoi. Alors, cet album, ça parle de l'intérieur. C'était Romy, sur Fadjet, dans Couleur Locale, merci. Ça parle très égoïstement de moi, en fait, de ce que j'ai traversé, voilà. Et ça parle d'espoir. C'est voilà. Beau ça. Ouais. Tu es quelqu'un qui espère. Oui. Tu espères quoi là en ce moment ? Je vois plein de... Je vais essayer d'expliquer ça. De feu vert. De feu vert. Ouais. Ouais. En fait, le feu vert, pour moi, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie la route devant soi. Ça signifie l'étendue des possibles. Et c'est un truc que j'ai lu dans un livre un jour. L'autobiographie de Matthew McConaughey, pour ceux qui... Je pensais que c'était original, j'étais en train de pleurer. En pas, fait. Du tout, non, pas du tout, mais ça m'a beaucoup inspiré. Donc voilà, ce que je vois devant moi, c'est mon fond d'écran d'ailleurs, des feux verts. Ouais. C'est une très belle réponse. Est-ce que tu te vois, alors il y a toi, mais et qui? Et quelqu'un peut-être? Non, là c'est vraiment moi. Là c'est vraiment ouais. toi. Mmh. Parce qu'on va écouter un morceau qui s'intitule Me End. Ah oui, du coup, exact. Ah oui, mais je suis le roi des transitions. Ouais, ouais, ouais. Ouais, t'as vu? C'est une très bonne transition. Du coup, Me End, oui. Mais End qui? Et bien justement, en fait, j'ai imaginé le titre en, comme si on pouvait le lire en boucle. C'est-à-dire Me End Me. Me End Me End Me. Donc en fait, c'est moi. Ou soi. C'est pas forcément moi, mais voilà. C'est un titre qui se lit en boucle. C'est oui. issu de ton EP Layers of Me, qui est sorti en 2022 sur toutes les plateformes. Tu es sur Facebook, Instagram, ouais. Tout ce qui va bien, quoi. Et on écoute Me End de Romy sur Fadjet dans Couleur Locale. Sur Fadjet dans Couleur Locale, ça rime en plus. C'était fait exprès. Hein. Ouais, un peu. Ouais. J'aime bien, tu sais, il y a un petit instant de réflexion à peine perceptible en mode « je vais dire oui » pour la cohérence du projet. Je plaisante évidemment. Ouais. Je peux pas dire non. Non, tu peux pas dire non. On écoute Fadjet couleur locale. Il est 13h10 pétante. Si vous nous écoutez samedi, midi 10 pétante. Si vous nous écoutez dimanche, l'émission sera rediffusée sur Spotify, la plateforme pour les podcasteurs. Merci Spotify. On est avec Romy. Layers, d'accord, ok. Layers of me, ces couches, cette pelure d'oignon qui s'effiloche. Et à chaque couche, on trouve des choses. Mais qu'est-ce qu'on trouve chez toi? Quelles sont tes grandes inspirations dans l'écriture de tes morceaux? Compliqué. Au niveau des paroles, c'est vraiment basé sur ce que je vis, ce que j'ai vécu, parce que les chansons commencent à tâter un petit peu, l'écriture en tout cas, et donc ce que j'ai pu vivre. Franchement, c'est très honnête, dans le sens où j'ai pas pris forcément de pincettes pour dire les choses, si bien que mes proches, ou en tout cas ma famille proche, a été assez surprise en fait de la profondeur des paroles. Ça s'attendait pas forcément en fait à tout ça. Donc tu t'es libérée. Ouais, un peu. Ouais, ouais. Ça doit être impressionnant quand on est de la famille ou des amis qu'on trouve sur ces mots couchés et qu'on s'y attend pas forcément. Ouais. Je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que ce soit aussi triste entre guillemets, si c'est pas que ça, mais en tout cas profond. Mes grands-parents surtout. Voilà. Mais une tristesse qui finalement est partagée avec une musique vivante et rock'n'roll, c'est assez oxymorien, ça veut rien dire. Non, mais j'ai compris. Ouais, t'as totalement compris. J'ai compris. Parce qu'en fait, les gens qui comprennent pas forcément l'anglais, ce qui est le cas de beaucoup de gens aussi autour de moi, ont eu deux phases d'écoute de cet album. La musique en premier, en se disant « Waouh, good mood, trop bien, je vais écouter ça pour aller en vacances, road trip. » Et après, j'ai la partie où ils m'ont demandé les paroles, la traduction, et là, c'est... Bon, il y en a qui m'ont même dit « J'aurais préféré rester à la première étape. » C'est dommage, ça empêche de comprendre le projet dans sa globalité. Mais j'imagine bien, le truc, genre une chanson du style « Je vais pas bien, Quoi ?» c'est une belle dichotomie. Ouais, moi aussi, je balance des mots comme ça. J'aime bien en fait écouter ça, même dans les artistes. Je trouve ça cool. Vous voyez pas faire un truc non plus larmoyant, quoi. C'est pas le but non plus. Pas faire pleurer dans les chaumières. C'est ça. Et le but d'ailleurs n'était pas de faire un truc dépressif du tout. C'est juste ce qui est sorti et après, voilà quoi. Est-ce qu'il y a quand même des trucs heureux un petit peu? Ouais, la chanson qu'on vient d'écouter, là, c'est quand même, on va dire, la plus good vibes de l'album et celle que j'ai eu le plus de mal à écrire, finalement. Je trouve ça dur, moi, d'écrire des trucs joyeux. Enfin, ouais. Et pour moi, la meilleure façon de le faire, c'était de faire une chanson de self-love, en fait. D'amour propre. Ouais, c'est ça. De s'apprécier soi-même, le temps qu'on passe avec soi-même. Et il y a un côté un petit peu ironique aussi à la chanson... dans le sens où ceux qui prennent pas le temps de faire ça tout seul, de faire leur vie et de s'aimer tout seul, souvent il y a des problèmes qui ressortent. Donc voilà, c'était un peu l'idée de la chanson. D'accord. Eh ben moi j'aime bien ce genre de message. Tu disais, mec, tu dis ça, t'as rien dit. Mais j'aime bien. Tu disais que les textes sont âgés. J'imagine que ça fait un moment que tu écris du coup. Oui. En vrai, j'ai toujours écrit dans le sens où dès que j'ai su écrire, littéralement. Après, il y a eu quand même un moment, et je dirais, c'est quand je suis rentrée à la fac. Ouais. Donc il y a 5 ans, 4 ans, où j'ai pris ça au sérieux. C'est-à-dire, j'ai vraiment écrit une chanson du début à la fin. Voilà. Mais les paroles, oui, ça a toujours... Et toujours en anglais. Et toujours en anglais. Alors, c'est quelque chose qu'on m'a déjà dit. J'ai envie de savoir si c'est le cas pour toi par rapport à l'usage de la langue anglaise. C'est un usage qui n'est pas forcément tout le temps un choix artistique par rapport au français, mais qui est parfois un choix de pudeur. Absolument. Pourquoi c'est plus facile de se confier dans sa langue qui n'est pas sa langue maternelle. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi? Oui, et j'ai une vraie théorie là-dessus, parce que pareil, j'en parle... en large et en travers avec tout le monde, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand tu parles pas quand tu n'écris pas dans ta langue maternelle, il y a une espèce de protection qui se met, qui fait que, enfin moi en tout cas, très personnellement, je suis tout de suite beaucoup plus apte à dire les choses de manière crue, plus profonde. Alors que quand tu parles en français, d'ailleurs, respect pour tous ceux qui écrivent en français des trucs. C'est ça. parce que tout de suite, tu as l'impression de devoir te mettre à nu, mais d'une façon... voilà. Et en anglais, je sais pas, c'est fluide. Ouais, il y a une pudeur, une protection, un recul peut-être. Oui. Donc il y a de ça. Après, il y a aussi de... Moi, j'écoute quasiment que ça. Ouais, de la musique. Des personnes comme qui? Alors, moi, je suis une grande fan de country. De country, ouais. Ça se ressent, oui. En fait, là, vraiment, c'est ce que mes parents m'ont passé. C'est-à-dire, il y a le côté de mon père, un petit peu, on va dire, rock, tout ça, qui nous a élevés à Bruce Springsteen. Et après, ma mère, qui a tendance à plus écouter, voilà, truc un petit peu country et tout. Moi, je suis très Johnny Cash. Ah, bah oui, évidemment, bien sûr. J'adore toute la famille Cyrus, donc Billy Ray Cyrus, qui lui est dans la country, ses albums sont géniaux. Miley Cyrus, Noah Cyrus, allez écouter. Moi je connais que Miley, mais alors du coup je suis ravie de savoir qu'elle a une grande et belle famille. Ouais, c'est ça, non mais enfin bon, bref. Du coup voilà, il y a beaucoup de ça. Après, moi j'ai toute mon adolescence, ça a été dans la pop. Les boys band, les One Direction, tout ça, c'est quand même... J'allais dire les To Be Free, mais t'es peut-être un peu jeune. Ouais, non, c'était... Ouais, bon, voilà, je suis déjà un vieux, hein, c'est... Désolé. Voilà, donc on va dire que c'est un peu un mix de tout ça, quoi. Rock, country, pop, et ça donne Romy, Layers of Me. Ça te donne toi, Her, Elle. Ouais. Oui, c'est ça. C'était bien joué. Non. Oui, oui, si. C'est la traduction, en tout cas, littérale. Ah, bah voilà, quand même. C'est le titre du deuxième morceau qu'on va écouter. Ça parle de quoi? De toi, j'imagine, encore, mais... Alors, non. Ah bah d'accord. Alors, je vais me permettre, sur cette musique, de ne pas divulguer. Ah, bah, tu as raison. Par contre, effectivement, j'aimerais préciser que... Oui. Ça ne parle pas de quelqu'un. C'est pas censé parler de quelqu'un. De quelqu'un. C'est ça. J'adore ce genre de réponse. Alors on va vous laisser en musique. Et puis, chers auditeurs, restez sur Fadjet dans Couleur Locale, puisque tout de suite après Her de Romy, de son album Layers of Me, on va jouer à un petit jeu. T'aimes bien les jeux? J'adore. On dirait que je pose la question à un enfant à un parc, tu sais. Enfin, à mon enfant, du coup. Parce que sinon, c'est un peu bizarre. T'aimes bien les jeux. Bon, je dis Grèce. On écoute Heure de Romy sur Fadjet dans Couleur Locale. She's the best worst nightmare. Puts a filter on everything. The fine line between meaningful and meaningless. Shouldn't care about mistakes, 'cause you'll be gone anyway. Spend a life struggling, trying to keep friendships. She slowly in face to space, like carrying the weight. Feel the presence closer every day. Crawling, crumbling, spiraling. Am I dead yet? Breathe the from living. Breathe, Her, et je crois que je le dis de mieux en mieux, de Romy sur Fadjet, dans Couleur Locale. Est-ce que ça va toujours ? Oui, ça va très très bien, yes, encore mieux. Encore mieux, après l'écoute de cette musique issue de ton album Layers of Me, on rappelle qu'il est sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Music, nommez-les, elles sont là. Également toi, tu es un peu partout aussi, Instagram, TikTok, Facebook. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est... On multiplie les canaux, les réseaux. Oui, au maximum. Au maximum, tu as bien raison. Alors, je vais revenir à quelque chose d'essentiel. On va jouer à un petit jeu. Mmh. C'est pas vraiment un jeu, mais c'est plutôt une mise en situation. Ok. Ok. Je vais te donner deux scénarios. Et tu vas me dire lequel t'inspirerait le plus une musique. Mmh. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Ok. C'est parti. Scénario numéro 1. Tu rentres d'une tournée. Une belle tournée musicale. Tu es fatigué, tu es dans le train. Tu es assise confortablement sur un siège et puis le soleil se couche. Tu l'observes par la vitre et tu entends et tu ressens le cliquetis du train sur les rails, peut-être des bruits d'ambiance. Et tout ça te fait penser, je ne sais pas, peut-être à ces feux verts aussi, ce train qui avance, mais ce soleil qui se couche, donc peut-être à une fin. Tu repenses à ton passé, à ton futur, à ce présent. Que vas-tu faire ? Tu ne sais pas, mais tu penses. Et cela t'inspire une musique, une note, un son, un texte, peu importe. Scénario numéro 2. Tu te réveilles, tu es dans ton lit, une nuit somme toute classique. Il est 3h du matin, 4h du matin. Et pour ceux qui s'intéressent à ce genre de signes, ça a tout un sens. Tu te réveilles, encore embrumé. Et tu sais que quelque chose s'est passé. Tu sais qu'il y a eu ce rêve. Tu viens de rêver. Et ce rêve, tu le sais, a tendance à s'étioler dans les premières minutes qui suivent l'éveil, en tout cas pour la plupart des gens. Mais tu sais que dans ce rêve, il y a eu une musique, un son, une note, quelque chose sur toi que tu as envie d'écrire. Alors tu te redresses, tu prends, je ne sais pas, ton téléphone portable, ta tablette, un ordinateur, un papier. Tu t'écris sur le bras, je ne sais pas, et tu t'écris ces premières notes, ces premiers mots. Alors, plutôt soleil couchant dans un train, plutôt réveil nocturne, plutôt les deux, aucun des deux. Je te laisse la parole. C'est pas évident. Je suis une vraie balance déjà, donc c'est pas évident de faire un choix. Mais je pense que j'irai plutôt sur la première. La première. Pour l'instant T, parce que j'aime beaucoup l'idée du rêve. Ça me, d'ailleurs, dans l'EP, il y a une chanson par rapport à ça, par rapport au rêve. Et je trouve ça très inspirant et je suis très comment ? Je crois beaucoup à la signification des rêves et. Donc plutôt la deuxième. Bah. Non, parce que du coup, j'ai l'impression d'avoir exploré un peu plus cette partie et c'est pour ça que j'irai plutôt sur la première. Ah pardon, oui, j'avais pas compris. Non, mais c'était pas très clair non plus dans ma tête. Mais c'est pas grave, ok. Donc voilà, la première, oui, pour l'idée du train et tout ça. Puis je suis très, très couchée de soleil aussi, donc j'aime beaucoup. Donc, ai-je vu mouche ? Oui. Ouais, carrément. Alors, dans ce scénario, si tu te rappelles bien, je commence par « tu rentres de tournée ». De musicien à musicienne, on est d'accord qu'on a envie de se produire, on a envie de donner notre énergie à un public. On en parlait un peu hors antenne, mais tu vas pouvoir l'exposer. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux, qui est en projet ? Comment on peut t'aider ? Comment on peut passer une petite annonce sympa ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour voir Romy sur scène ? Alors déjà, oui, c'est vraiment la suite logique, mais en même temps la suite que j'ai envie de donner à ce projet pour... un petit peu donner vie à ces chansons qui sont finalement pour l'instant un peu sur le papier, j'ai envie de dire, et aussi parce que j'aime j'aime chanter tout simplement. Et du coup il y a des choses qui sont pas encore il y a des projets de scènes qui sont peut-être pas encore très précis, mais en tout cas l'annonce que je peux faire, c'est que j'aimerais m'accompagner de musiciens. Parce que, comme je dis souvent, je suis capable de m'accompagner à la guitare. Mais je trouve que les chansons et l'univers que j'ai envie de donner à ces chansons et à plus si affinité, nécessiterait voilà, au moins un batteur, un bassiste. Une petite équipe sympa pour enrichir, ne pas être toute seule. Exactement. Même quand on parle de soi. Oui, quelqu'un, oui, des gens qui déjà qui seraient chauds pour entrer dans cet univers, quoi. Alors, Fadjet et moi-même, par la même occasion, Pierre, dans Couleur Locale, on va passer cette petite annonce pour toi aussi. Si vous êtes intéressé pour rejoindre le projet, n'hésitez pas à nous contacter ou à te contacter directement. Mm-hmm. Et puis, si vous avez apprécié ce que vous avez écouté, et ce n'est pas fini, n'hésitez surtout pas à booker quand le temps sera le bon. Ouais. Ce serait sympa quand même, une petite annonce comme ça. Ah oui, ce serait génial. Qui vient juste d'être faite. Ouais. À l'oral, en fait. On est bon. Hein. Ouais, ouais. C'est génial. Vachement bien. Romy, Layers of Me, ton EP sur toutes les plateformes. Merci d'avoir participé à cette émission. Fadjet Couleur Locale, les samedis 13h, dimanche midi, 94.1 Nancy et Fadjet.net. On rappelle que tu es partout, Instagram, TikTok, Facebook, l'EP, Deezer, Spotify, Amazon Music. Allez-y, c'est que du bonheur. C'est très, très sympathique et tu es sympathique aussi. Alors, c'est parfait. Merci, ça fait plaisir. Et ben de rien, merci. Merci à toi. On suivra ton actualité. Puis on va se laisser quand même en musique. Mm-hmm. On va pas vous quitter comme ça. On se retrouve la semaine prochaine, mais on va pas vous quitter comme ça, chers auditeurs. Alors, une musique qui s'intitule Outside. Alors, pour un projet qui m'est vendu depuis le début comme quelque chose d'intérieur en parlant de soi, là je vois Outside, alors, en dehors de toi, ce qui est en dehors. Explique-moi, cela m'intrigue. C'est la meilleure chanson, enfin c'est la chanson où j'ai la meilleure anecdote, je pense. Ah ouais. Ouais. Alors, cette chanson a été écrite dans un cimetière. Alors. On rend l'antenne. Ouais. En fait, tout simplement, un jour où j'avais besoin d'écrire, où je me retrouve comme beaucoup sans inspiration, voilà. Je suis pas du genre à vouloir absolument forcer l'inspiration, ça marche jamais. Donc. Je décide d'aller dehors, tout simplement, de me promener vers chez moi et dans ce cimetière. Et c'est dans ce cimetière, sur un banc, que j'écris cette chanson sur, en fait, les pots qui tombent des fois quand il y a du vent et qu'on doit les ramasser. Enfin, j'ai envie de les ramasser et en fait, je trouvais que c'était un peu une métaphore de ma vie. D'accord. Voilà. Je reste bouche bée parce que je trouve que ces histoires que tu me racontes depuis le début sont tellement personnelles et tellement magiques à plus d'un titre que je n'ai même pas envie, pourtant je suis en train de le faire, de réagir de façon incongrue. Alors on va laisser l'écoute de cette musique à Outside qui est en fond, quand on va vous faire péter les watts, mais faites attention si vous êtes en voiture. Je crois qu'elle est un peu plus douce. Ouais, c'est doux, coup. C'est doux quand même. C'est assez doux. Ouais, ouais. Et on se retrouve la semaine prochaine, samedi 13h, dimanche midi sur Fadjet dans Couleur Locale. Merci à toi Romy. Merci Outside. À vous.